à ce moment-là, tu es obligé de t'assurer que ça ne sera pas trop... Autrement dit, que si ça va mal, il faut que ça soit supportable.